comme une savate, je vais chômer, c'est plus gay. Et je suis quand même payé, ça c'est du spec pour mon bec. Moi je suis le mec. Ça grave pour moi. Wallace dans le civerer, tu trimes comme un soukeler. Il faut être zot, faut être cinglé. Moi je dors comme une marmotte la journée. Puis je vais jouer au pitcher's back et boire ma jatte. Après je suis zot. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Allez hop, au chômage, me ménage, pas sur ménage. Je suis peinard et pas une poire, faut pas croire. Bon, c'est trimé, fatigant. Ik ben le king van de lyriek, je trouve que ça fait chic. Ik ben le king van de lyriek. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Clash, boom, potverdoom. Faut aller stylen que zoen. Moi je tiens pas à devenir flagada. Qu'on dise au kerme quand on me voit. Ça gaffe pour moi. C'est le moment le plus dur de la journée. Je dois quitter le bar mais je suis pas seul. Tous mes potes sont là.